さん。 À côté de moi est bien chargé. Tout est beau, les Yankees disent que le produit est validé. Pas besoin de chercher, je m'en dirai à la source, car je veux que la meilleure. Des fois ça sert à rien de trop parler, vaut mieux niquer des mères. Je m'en vais, je vais viser devant Comico, comme s'il y avait la nouvelle monnaie est rentrée, je vais coffrer celle d'hier. J'ai faim, donc je pars à la chasse. C'est pas toi qui va remplir mon ventre, j'suis le mec son bon fond de la classe. Prêtez pas mes stylos, préférez les bons. J'suis dans tous les bises, dans tous les traquenards. Le crime paye, donc je suis dedans. Tu sais pas sucer, mais j'vais t'essayer de faire. Mais s'il te plaît, ne mets pas les dents. J'suis footing avec les Schmitt, mais c'est pas ça qui nous fatigue. Tu sais que dans le four il fait tellement chaud, mais c'est relou, y'a pas de crime. J'viens de cacher ma gueule dans un paquet de chips. Tu veux jouer sur le terrain de schnouf, mais tu n'as pas d'équipe. J'aime l'argent, le billet de 500 c'est ma go. Des bruits de lingots, on fait plus de chic qu'en mato. Une moto sur la A1, dans son sac à l'eau prix d'un A1. Sur le temps on roule à 100, devant la juge on fait les innocents. Choses ont une fin. J'arrive le premier pour en profiter. Je cuisine à Dieu, je fais de l'argent facile. Et je vois que c'est pas si compliqué. J'suis calibré, le missile à côté de moi est bien chargé. Tout est beau, les Yankees disent que le produit est validé. Pas besoin de chercher mon direct à la source, car je veux que la meilleure. Des fois ça sert à rien de trop parler, vaut mieux niquer des mères. J'm'en vais, j'vais viser devant Comico, comme s'il y avait la nouvelle monnaie. Je vais coffrer celle d'hier. Les gars viennent de couper les eaux pour capter la wifi. Je vais me poser au local. Pas besoin de chercher, je monte à la source. J'ai la vraie du notable. Y'a que des assassins. T'es pas le bienvenu à notre table. Faut pas nous cacher. Rien s'enflamme. On se fait plus contrôler. Dans la vie tous les schmitts nous connaissent. J'avais pas lu sur les aigus du nom, mais je voulais déjà ma Rolex. Étant petit, on jouait avec les grands. La semaine on fait du sale, pour le week-end être élégant. Tout le monde pense, personne simule. Temps plein midi, minuit. Musique à fond dans la peau. Dans le bouillon, j'fais de la chimie. Nos mains sont dans la farine. Et bien avec nous, fais pas le timide. Avant que tout se termine, on arrive. Car toutes les bonnes choses se limitent. Je veux que la meilleure. Des fois, ça sert à rien de trop parler. Faut mieux niquer des mères. Comme s'il y avait la nouvelle monnaie est rentrée, j'vais coffrer celle d'hier. Toutes les bonnes choses ont une fin. J'arrive le premier pour en profiter. J'cuisine à Dieu, j'fais de l'argent facile. Et je vois que c'est pas si compliqué. J'suis calibré, le missile à côté de moi est bien chargé. Tout est beau, les Yankees disent que le produit est validé. Pas besoin de chercher, j'm'en direct à la source, car je veux que la meilleure. Des fois ça sert à rien de trop parler, vaut mieux niquer des mères. J'm'en vais, j'vais viser devant Comico, comme s'il y avait la nouvelle monnaie est rentrée, j'vais coffrer celle d'hier.